la voix, mais vous ne la verrez pas ce soir. À suivre dans l'aérospatiale. Merci Gentiane, la France, et bonne soirée sur les ondes de CKRL. C'était Jessica Leb avec vous. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz fusion avec le concert Light as a Snowflake. Les excellents musiciens Daniel Touin, Alain Caron, Yannick Rieux, Paul Brochu et Cora Ligon se partageront la scène pour une soirée unique autour de l'œuvre magistrale Light as a Feather, The Return to Forever et Chick Corea. Le 3 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Light as a Snowflake. Détail au palaismontcalm.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Espace sans mesure, Antitube, Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, La Rotonde, Société de la Rivière Saint-Charles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Par cette belle journée fraîche et ensoleillée, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et vous écoutez l'aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique entièrement consacré aux arts visuels à Québec. Gentiane La France à l'animation aujourd'hui et nous allons sortir un peu des galeries d'exposition pour voir ce qui se passe dehors et dans les halls, les lieux de passage, comme dans le Salon des Jardins au Musée de la Salle des Beaux-Arts du Québec, où on peut faire l'expérience de l'œuvre de réalité virtuelle Beholder dans l'œil de celui qui regarde, qui est présentée par la bande vidéo Emanif d'art. Myriam Dufour vient nous en parler dans quelques instants. Ensuite, nous allons recevoir l'artiste Martin Pantois pour parler de son vernissage en cours au Théâtre de la Bordée pour une installation intitulée La Répétition. Et enfin, Delphine Eggespard va venir nous proposer de faire le tour des installations publiques qui sont présentées par Avatar, par Engram et par Vue dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Donc, c'est présenté sur la place Diouville. Mais en attendant, on va écouter un extrait de la sélection audio de Simon Roy. Cette semaine, Simon Roy nous fait découvrir un groupe de musique qui s'appelle Fête Nat. C'est un groupe de Gatineau qui joue dans le free jazz, l'art punk, le breakbeat, donc beaucoup de références et beaucoup de nihilisme aussi. Donc on y va pour un extrait de leur album qui est sorti au mois de février. L'album s'intitule Le Mal et le premier extrait s'appelle Patio Monday. Shine. Alors, avec ce fade en bon français, au ralenti de la pièce Patio Monday de Fête Nat, on accueille en micro... Oui, en studio, Myriam Dufour. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Alors, Myriam, tu as décidé de nous parler de Beholder, dans l'œil de celui qui regarde. C'est une œuvre de réalité virtuelle qui est présentée par la bande vidéo et par Manif d'art. Donc, c'est une collaboration, mais c'est présenté au Musée national des Beaux-Arts, donc dans le cadre du Festival du cinéma de la Ville de Québec, j'imagine. Oui. Donc, c'est dans le Salon des Jardins. Le Salon des Jardins, pour le situer, là, c'est comme dans le hall devant l'auditorium, en bas des marches. Et on peut se présenter là et faire l'expérience, donc de porter ce masque de réalité virtuelle et d'entrer dans un univers, ma foi, assez fascinant. Mais en fait, l'univers est assez vide, c'est noir. Oui, exactement. Je vais expliquer un peu le contexte de création de l'œuvre, parce c'est que c'est vraiment important. Oui, c'est très touchant, en fait. Oui, vraiment, vraiment. C'est une œuvre qui a été pensée par Matt Clark, qui est le fondateur d'un collectif à Londres, un collectif artistique. Puis en fait, Matt Clark, il a un fils qui s'appelle Olivier, qui est muet et aussi qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme qui est assez sévère. Il n'a jamais été capable de communiquer avec des mots. Il voit le monde d'une façon complètement différente que les personnes neurotypiques. Donc, son père a voulu créer une œuvre qui célèbre ce trouble neurodéveloppemental. Il a voulu faire une œuvre qui permet de mieux comprendre l'univers de son fils. Il a voulu comprendre, en fait, qu'est-ce que son fils voyait. Donc, l'artiste a travaillé en collaboration avec United Visual Artists à Londres et aussi avec des artistes qui vivent eux-mêmes avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, par le biais de la réalité virtuelle, comme tu disais, ils ont été capables de traduire le mieux possible la perception de la réalité des personnes autistes et plus précisément la beauté telle que perçue par le spectre de l'autisme. Puis en fait, plus concrètement, ce qui se passe dans l'œuvre, c'est le vol d'un groupe d'oiseaux qu'on voit. Ce que le spectateur voit, c'est les stimuli visuels qui ont le plus fait réagir l'enfant atteint du spectre de l'autisme. Donc, on voit ce qui le captivait le plus, ce qui le retenait plus son attention. Puis, dans le fond, avec cette œuvre-là, l'artiste voulait montrer la vision de la beauté de cet enfant-là, parce qu'en fait, dans ce cas-là, la beauté, c'est le vol d'un oiseau, c'est quelque chose de grandiose, de vraiment d'inspirant. Donc, c'est une expérience de réalité virtuelle qui, en gros, montre en animation la vision de l'enfant. Puis, ça permet vraiment de bien comprendre son environnement visuel parce que les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme ont une hypersensibilité sensorielle qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'informations dans leur vision. Puis, c'est ça qui se passe, en fait, quand on met le casque de réalité virtuelle. On voit le vol d'oiseau qui est un peu décomposé. On voit des motifs dessinés par leurs mouvements, le battement de leurs ailes. On voit plusieurs couches d'informations formelles, les détails qui forment le dessin de l'oiseau. Il y a des lignes, il y a des points blancs. Puis, ça génère une perception du sang qui est complètement différente de oui, la nôtre. Oui, on voit les traces donc, oui, du mouvement. Donc, l'oiseau se répète et crée une espèce de tracé. C'est très, très poétique. Puis, il y a une espèce de transparence aussi dans la représentation de l'oiseau. Il est comme en noir et blanc, mettons. Oui, c'est ça. Mais on voit quasiment au travers. Oui, vraiment. Je trouve que c'est visuellement magnifique. C'est intéressant à voir. Comme tu disais tantôt, on met le casque de réalité virtuelle, puis tout devient noir. Il n'y a pas de différence entre le sol et le ciel, en fait. Tout est noir. On dirait qu'on est un peu dans l'espace. Puis il y a des oiseaux blancs, gris, qui volent autour de nous. Ils s'éloignent, ils reviennent, ils tournent autour de nous, en fait. Ils changent de vitesse, ils se démultiplient. C'est un peu fantastique comme vision. Oui. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est une vision qui existe pour vrai, que c'est des personnes, il y a plusieurs personnes qui voient ça en réalité. Donc, durant 7 minutes, plus le temps... Ben, ça dure 7 minutes, en fait, l'expérience visuelle. Puis, plus le temps avance, plus la figure de l'oiseau se simplifie pour devenir finalement seulement des petits points blancs. Comme tu dis, il y a quelque chose de vraiment poétique puis d'inspirant puis de créatif dans cet univers visuel-là. Puis ça fait vraiment réfléchir, je trouve, sur les perceptions de la beauté. Parce que l'artiste, en fait, son but, aussi, en plus de vouloir comprendre comment son fils voyait, il voulait réévaluer notre propre perception de la beauté à travers le regard d'une autre personne. Mm-hmm. Donc, ça nous fait vraiment... Oui, parce que là, il y a des éléments de géométrie, de mathématiques qui embarquent dans l'appréciation du vol de l'oiseau, parce que moi, ça m'a fait penser à la chronophotographie du 19e siècle. Donc, on a eu Muybridge puis Merrick qui ont exploré la décomposition du mouvement. Puis là, on a ce mouvement-là qui se décompose. C'est un oiseau, on peut observer le vol de l'oiseau qui s'éloigne, qui se rapproche. Et quand il se rapproche de nous, il devient comme au ralenti. Oui, c'est ça, il s'arrête un peu devant nous. On peut voir tous les mouvements décomposés. C'est super intéressant à voir, je trouve. C'est vraiment intelligent. Puis... aussi, c'est quelque chose... Je trouve que c'est une œuvre vraiment touchante dans sa démarche, parce qu'en fait, c'est le père qui a voulu essayer de comprendre l'univers de son fils, puis c'est comme une énorme preuve d'amour puis de compassion envers son fils et les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Oui, c'est un exercice d'empathie. Oui, vraiment. Mm-hmm. Puis je trouve que ça fonctionne vraiment. Aussi, le fait que ça soit la forme de l'oiseau qui est le plus important, en fait, j'ai vu ça comme un peu une forme d'émancipation, de délivrance. Puis ça renvoie à l'idée d'accepter, d'inclure le monde visuel de son fils, en fait. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça met en lumière un aspect vraiment positif de ce trouble-là. Puis il explore ce trouble-là avec les aspects fascinants. De pas le voir comme un problème à régler, ça. Mais de le voir comme un potentiel à explorer. Ah oui, c'est là. Ça, un potentiel mm-hmm. artistique. Mm-hmm. C'est comme un univers créatif, un peu. Puis, je trouve que c'est quelque chose de remarquable qui mérite d'être vu. C'est comme il a transformé la vision de son fils en une œuvre d'art. Donc, je trouve ça magnifique. Puis aussi, je trouve que on a vraiment le sentiment de plonger dans un monde totalement différent. Je trouve que le sentiment de plonger dans l'inconnu est vraiment ressenti. On n'a aucun repère. Tout est noir autour de nous. Oui, c'est ça, avec cette espèce d'obscurité qui nous entoure. Il y a un vide qui se crée, puis on peut se concentrer totalement sur ces mouvements qui sont... Moi, j'ai fait des « wow », là. J'étais seule comme ça, avec les bras dans les arbres, puis j'étais comme « wow ». Oui. Ça nous met vraiment dans notre bulle, je trouve. Puis j'essayais aussi, on peut entrer avec le regard à l'intérieur de ce tracé que l'oiseau laisse. Exactement. Fait qu'il y a vraiment une espèce de d'interactivité, évidemment, avec la réalité virtuelle qu'on peut pas avoir avec d'autres médiums. Donc, cette très belle œuvre, Beholder, dans l'œil de celui qui regarde, est présentée dans le salon des jardins, qui est près de l'auditorium, jusqu'au 22 septembre au Musée national des beaux-arts du Québec, et c'est gratuit. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un billet d'entrée au musée pour pouvoir y accéder. On peut y entrer et aller faire l'expérience de cette œuvre-là gratuitement. Merci beaucoup, Myriam Dufour. Merci à toi. Et nous, on va partir pour une petite pause audio avec la pièce « Des fois ». Thank you. Bonjour, Wartin Pontois. Bonjour, Gentiane. Donc, en ce moment, il y a ton vernissage. Oui. À l'aborder. À l'aborder, tandis que j'y ne suis pas. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, j'ai fait le choix de venir ici en entrevue. De toute façon, je vais pas vraiment à mes vernissages. Ouais, ouais, ouais. Et puis, donc, c'est une deuxième installation de ta nouvelle collaboration avec le Théâtre L'Abordé. Oui, en fait, une première collaboration qui est un collage sur mur pour le lancement de la saison 2019-2020, mm-hmm. qui s'appelait La beauté sauvera le monde. Et ça, c'était pas vraiment dans ma résidence, mais c'était comme une prémisse à une collaboration qui okay. s'est peaufinée puis qui se concrétise présentement. Et cette collaboration-là, donc, c'est une installation, c'est comme ça que ça fonctionne? Donc, chaque pièce qui est à la programmation de l'aborder. Donc, tu vas réfléchir et créer une installation qui est en dialogue avec cette pièce-là? Oui, c'est ça. Je suis en résidence, en mm-hmm. fait, pour toute la saison de l'aborder. Puis, je vais créer, comme tu disais, une œuvre pour chacune des pièces produites par l'aborder, parce qu'ils ont aussi des pièces invitées. Là. Je ferai pas 10 œuvres, 10 expositions non plus. Déjà, c'est un sprint de création. Parce que je me donne comme 4 semaines de recherche-création pour chacune des pièces. Donc, je crée des installations, des expositions inspirées des 5 pièces produites par l'abordé. Et donc, le vernissage ce soir, c'est pour la répétition. C'est une œuvre que tu as réalisée en dialogue avec Lentement la beauté. Qui est présenté à partir de... C'était la première hier, je crois, Lentement la beauté? Oui, ben, en fait, c'était l'avant-première hier, mm-hmm. puis ce soir, c'est la première. Et donc, une installation qui, je dirais, qui est comme un peu en 3 parties, dans les fenêtres et au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc, il y a 3 parties qui, évidemment, ne vont pas l'une sans l'autre, sont en dialogue. Et tu es vraiment partie avec le personnage principal de la pièce Lentement la beauté, c'est Monsieur l'Homme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Monsieur l'Homme et comment il est venu nourrir ta présentation, la répétition? Oui, ben Monsieur l'Homme, en fait, c'est le personnage principal de la pièce Lentement la beauté. Toute la pièce tourne autour de Monsieur l'Homme. Monsieur l'Homme, c'est un fonctionnaire à la mi-quarantaine qui gagne des billets de théâtre pour aller voir les 3 sœurs de Tchekhov. Et cette pièce-là, il n'en ressortira pas indemne. Ça va le travailler. La pièce le fait réfléchir sur le sens de sa vie. Puis le sens de son travail aussi, là, qui est une grosse partie de nos vies pour tout le monde. Et pour Monsieur l'Homme aussi. Donc, je me suis inspiré. En fait, c'est une pièce qui est très riche. Là. Il y a beaucoup de contenu. Mm-hmm. C'est une pièce de théâtre. On a le temps de s'attacher aux personnages, de s'identifier à eux, de vivre des choses avec eux. Et Monsieur l'Homme, ben, il a une vie de famille. Il a des amis, des collègues de travail. Donc, il y a plusieurs aspects que j'aurais pu traiter. Mais c'est un choix qui s'est imposé. Ce qui m'a travaillé le plus quand j'ai participé aux répétitions, quand j'ai lu le texte de la pièce de théâtre, ben c'était l'aspect de son rapport au travail. Mm-hmm. Donc, la répétition? Oui, ben Monsieur l'Homme, il se questionne, il y a une grosse réorganisation à son travail, mm-hmm. puis il prend l'intérim d'une patronne qui, je pense, qui est en maladie, puis il essaie de convaincre ses collègues, ça marche pas très bien, et... Donc, il est déstabilisé par une pièce de théâtre, mais il est aussi déstabilisé par un élément aussi au travail qui fait que ça le sort de sa routine. Oui, exact. Puis, en fait, dans la pièce, il y a déjà des répétitions qui sont volontaires. C'est-à-dire que, par exemple, une scène où on le voit qui s'habille en complet cravate le matin, mm-hmm. cette scène-là revient. Mm-hmm. Donc, on vient accentuer cette routine-là par la répétition dans le théâtre. Là. Exactement. Mm-hmm. J'ai voulu utiliser la répétition à la fois comme une journée qui se répète, comme si Monsieur l'Homme, c'était un Sisyphe contemporain qui est pris pour recommencer éternellement la même routine, mais c'est aussi en mettant en scène des personnages qui sont identiques. Là, je parle de l'utilisation des fenêtres, oui, de la façade, donc, de l'aborder. Au rez-de-chaussée, à l'étage et au troisième, dans les fenêtres, il y a ce même personnage identique dans toutes les fenêtres, mais il y en a un qui est différent. Oui, ça, je voulais laisser une fenêtre pour ne pas faire de une mauvais jeu de mots. Oui, une brèche dans la répétition, parce que dans la pièce, c'est bien ce qui se passe. Le personnage se questionne suite à la pièce de théâtre qu'il a vue. Mm-hmm. Et on n'est pas sûr. La pièce est très ouverte, hein, et très... c'est lentement la beauté. Hein. Donc, lentement, il y a une idée qui fait son chemin. On ne sait pas tout à fait... quel sera l'effet de cette pièce-là sur lui? T'sais, on sent son questionnement, mm-hmm. ses remises en question, mais est-ce qu'il va passer à l'action? Donc, la répétition qui est du personnage qui est dans les vitres, il y a un personnage sur 24 qui est différent, qui se questionne. Donc, c'est ouvert au sens, est-ce qu'il va quitter le groupe? Est-ce qu'il va rester? Est-ce mm-hmm. qu'il... Voilà. Et, si on parle de quitter le groupe, il y a un ensemble au rez-de-chaussée d'œuvres plus petites. Là, on a la répétition dans une espèce de foule qui est créée à partir du même personnage. Mais il y a un côté qui est narratif aussi dans ces quatre tableaux-là. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie de l'installation, la répétition? Oui, ben j'ai voulu utiliser, comme dans les fenêtres, j'ai utilisé un papier calque pour utiliser, ben en fait, pour faire une transition entre l'extérieur et l'intérieur, mm-hmm. L'idée de la transparence, ben dans ces œuvres-là, j'ai utilisé le même papier pour brouiller un peu le regard qu'on peut porter sur l'œuvre, sur le personnage qui se répète là, vraiment là, de multiples exemplaires, et pour qu'un personnage puisse se démarquer, qui est une impression sur le fameux papier calque qui est derrière, il y a la multitude de répétitions de personnages identiques. Et le personnage finit par se diriger vers l'extérieur du cadre. Donc, il y a quelque chose aussi, un peu, de cet élément-là qui vient briser le quotidien, là. Oui, on peut se demander où il va. Mm-hmm. En fait, c'est comme une scène qui est pas dans la pièce, tout à fait, parce que le monsieur l'homme, il est très doux, il est un peu spectateur de sa vie, et il semble pas vouloir prendre de décision. D'ailleurs, il décrit sa vie comme une ligne droite. Il y a pas beaucoup de mouvement, même s'il vit plein de choses intérieurement, tandis que dans l'œuvre que je propose, dans cette série de petits tableaux-là, ben il y a une scène qui est pas dans la pièce que je me suis permis d'imaginer avec un personnage qui sort du groupe. Mais on ne sait pas où il va. Il a sa mallette de travail à la main. Est-ce qu'il transporte son kit de travail? Bref, le sens est ouvert. Donc tu joues un peu avec cette poésie qui vient de la pièce, puis tu l'amènes ailleurs, en quelque sorte, Martin Pantois. Oui, ben j'ai extirpé hein, des éléments de la mm-hmm. pièce qui m'ont touché, qui m'ont questionné, et j'ai élaboré là-dessus parce que, je le disais un peu tantôt, cette pièce-là en particulier est très riche. Oui. Il se passe beaucoup de choses. Mm-hmm. La mise en scène est extraordinaire. Fait que je voulais pas tenter de faire une synthèse de la mm-hmm. pièce ou de l'illustrer simplement. J'ai pigé des choses qui me touchaient particulièrement. Donc, on va parler de ces éléments-là qui t'ont touché particulièrement après la pause publicitaire. CKRL. Communication. Culture. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de Rick Wakeman avec sa tournée Grumpy Old Rockstar. Vivez une soirée intime et riche en anecdotes avec le célèbre claviériste des groupes Strubs et Yes dans un concert solo qui va du classique à la pop en passant par le rock de David Bowie, Yes et les Beatles. Le 27 septembre, vivez la musique à son meilleur avec l'unique et coloré Rick Wakeman. Détails au palaismontcalm.ca. Quand j'étais petite puis que j'étais malade puis que je devais prendre des médicaments pour me soigner, ma mère se penchait doucement vers moi puis me demandait « Toi, ma chanceuse, fraise ou chocolat? » Je répondais toujours « chocolat ». À cette heure, quand je suis malade, j'ai toujours une rage incontrôlable de chocolat. Premier acte présente Fièvre, un spectacle alliant musique en direct, théâtre et poésie. À voir du 24 septembre au 12 octobre à Premier acte. Pour plus d'informations ou pour l'achat de billets, consultez premieracte.ca. Une collaboration de la Caisse Desjardins de Québec et Vénus à vélo. Audio Light. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audio Light, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolight.qc.ca. Vous vivez de l'intimidation au travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Fleurant, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche, soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. La période des vacances est terminée, mais il est encore temps de profiter des dernières belles journées sur la terrasse de la brasserie artisanale La Korrigane. Tout le mois de septembre, en journée, pour le 5 à 7 ou en soirée, la terrasse de La Korrigane demeure un incontournable pour déguster une bonne bière artisanale ou pour manger un de nos plats cuisinés avec des produits frais et locaux. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph. Alors, de retour à l'aérospatial, toujours en studio avec Martin Pantois, dont c'est le vernissage en ce moment à l'aborder pour l'œuvre La Répétition, donc une installation dans laquelle il s'est inspiré de la pièce Lentement la beauté qui est présentée actuellement au Théâtre l'Abordé. Et on va se transporter au troisième étage, non, deuxième, à l'étage, dans le hall de l'Abordé. Donc, un troisième volet, je dirais, de l'installation. Ce sont trois personnages à échelle un petit peu plus grande que nature, hein, c'est juste parce qu'ils sont installés un peu plus haut, et qui sont, encore une fois, caché par ce matériau translucide, papier velin, Martin, que tu utilises de manière quand même assez extensive dans cette installation-là. Oui, j'ai exploré en fait une matière que j'utilise pas habituellement. Et c'était l'idée de la transparence, de la douceur que ça apporte et du flou que ça apporte. Ouais. Donc, il y avait ces trois éléments-là que je trouvais intéressant d'exploiter dans cette installation. Et la façon dont tu l'exploites également dans ce volet-là de l'installation, c'est que tu viens à poser des dessins sur la photographie du personnage. Ouais, exactement. C'est trois scènes qui m'ont touché dans la pièce, mais... Ces trois petites scènes qu'on peut ne pas remarquer, mais que moi, je trouvais intéressantes à travailler visuellement. Il y en a une où le personnage explique, Monsieur l'Homme explique à une dame dont il est tombé amoureux que sa vie est une ligne droite, je l'évoquais tout à l'heure. Oui. Tandis que elle, sa vie est comme une montagne russe, puis oui. Juste un petit geste très subtil. Mm-hmm. Donc, j'ai fait une belle ligne droite vis-à-vis le visage du personnage pour évoquer une vie qui, on pourrait dire, qui est un peu morte, hein? Comme on peut imaginer un électrocardiogramme. Une vie morne. Oui, voilà. Et cet élément-là de la pièce, et il y a d'autres éléments qui sont venus te toucher, qui sont venus t'inspirer, donc des éléments, des détails que t'es venu un peu faire grandir dans ton œuvre. Oui, que j'ai accentué. Entre autres, il y a un changement organisationnel qui se passe au travail, dans le milieu de travail de Monsieur l'Homme, Et donc là, on comprend dans la pièce, en tout cas du moins, c'est ce que moi j'ai capté, c'est que l'humain est un peu derrière cette logique de changement. Dans la pièce, c'est la restructuration de la restructuration. Mm-hmm. Puis c'est comme, on présente ça comme un éternel, justement, recommencement, oui. Comme une répétition d'une restructuration. Ça devient kafkaïen aussi, à quelque part. Qui est un peu sans fin. Mm-hmm, là. Mm-hmm. Donc, on voit un organigramme et le personnage qui est vraiment flou derrière, un petit peu désemparé, d'ailleurs. Oui, parce que les postures de ces trois personnages-là qu'on retrouve à l'étage, à l'abordé, ne sont pas les mêmes que les personnages qu'on retrouve dans les fenêtres, qui ont presque tous la même posture. Ici, il y a un jeu sur l'expression des personnages. Oui, ben en fait, moi, je me raconte des histoires à mm-hmm. partir de la pièce de théâtre. Hein? Mm-hmm. Je mets en scène le personnage de Monsieur l'Homme dans des scènes qui sont dans la pièce, mais qui sont pas forcément très visibles ou très... Donc, je me suis amusé avec ça. Et donc, le personnage du centre a l'air d'être un peu comme dans une espèce de mouvement en suspension d'avancée ou de recul. Oui, c'est exact. En fait, c'est un peu comme pour représenter la réaction par rapport à cette complexité aussi des mm-hmm. organisations aujourd'hui. Là. Le personnage est dans la fonction publique, dans la pièce, mais ça peut aussi s'interpréter comme dans n'importe quelle grande entreprise où il y a des fusions, des achats, mm-hmm. des changements qui bouleversent en fait la vie des humains qui sont... Oui, la complexité des ressources humaines dans des grosses organisations. Donc, avec les entreprises privées, on peut penser à des fusions, des achats, mais avec les changements de gouvernement, la fonction publique, ça change beaucoup de choses également là, dans les organigrammes, j'imagine. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans la pièce, oui. c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence ou en tout cas en interrogation. Mm-hmm. Donc, on le sent un peu désemparé face à cette réorganisation, désorganisation, si on veut, interne. Et le troisième personnage, l'intervention au dessin sur le papier vélin qui se retrouve sur la photographie est très, très minimale, un peu comme le premier. C'est un rectangle. En fait, c'est un petit... Triangle. Je voyais le triangle dans ma tête, puis j'ai dit rectangle avec ma bouche. Donc, c'est un tout petit triangle qui se retrouve en haut. Alors, d'où t'es venue cette idée du triangle? Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Martin Pantois? Ben, en fait, cette scène-là, c'est le passage des oies qui, dans la pièce, est évoqué. Ben, j'ai une petite citation ici que je vais vous lire. À quelques reprises, il y a aussi cet aspect-là qui est répété dans la pièce, le passage des oies. Et on dit, les oies, par exemple, elles volent sans savoir pourquoi, ni où elles vont, et peu importe, pourvu qu'elles volent. C'est un peu tout le contraire du questionnement sur le sens de la vie. Mmh, et dans la pièce, on entend les oies, mais on les voit jamais. Donc, j'ai présenté un personnage qui a l'air un petit peu rêveur ou à regarder le ciel et... dans le haut à gauche de la grande bande de papier qui fait 8 pieds de haut, mm-hmm. qui est suspendue, là, il y a un petit triangle qui rappelle le signe ou le logo Play, oui. et qui est aussi une évocation du symbole des oies, de la formation en V des oies qui sont en migration. Donc, il y avait ce clin d'œil-là à la pièce et au son des oies qu'on entend. Donc on est vraiment dans la poésie, l'évocation. C'est une très, très belle installation à aller voir dans le hall d'entrée de l'abordé. Donc, pas besoin d'aller voir une pièce pour pouvoir entrer dans le hall d'entrée de l'abordé. On peut aller visiter l'installation. Donc, c'est présenté jusqu'au 12 octobre et c'est en parallèle, en dialogue avec la pièce « Lentement la beauté » qui est présentée. Mais merci beaucoup, Martin Pantois, pour... être venu parler de ton exposition pendant ton vernissage. Je déparle, on va partir en pause audio. Je peux penser que j'ai Alors, c'était la pièce Your World is My Mystery Gift de Fitnat, ce groupe de musique un peu décalé de Gatineau. Et parlant de Gatineau, j'ai Delphine Gasbar avec moi. Donc, bonsoir, Chantiane. Delphine qui a grandi dans la région de Gatineau. Delphine Gasbar, tu es allée voir les installations publiques qui sont présentées par Avatar en Gramme et Vue à Place Diouville. Donc, c'est en collaboration avec le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Absolument. C'est en fait trois installations qui ont été vernis le 12 septembre dernier. C'est présenté jusqu'au 21, donc il reste encore quelques jours là, pour aller voir ces installations-là. Bon, on se lance, on commence par Avatar, on y va à ordre alphabétique. Ah, ben oui, oui. Oui. Donc, très bonne idée. Avatar, belle avance, donc on commence par le A et le B, donc qui se place premier. C'est un conteneur avec à l'intérieur une installation à la fois sonore, à la fois vidéo, à la fois... tactile, parce que ça bouge. Oui, ben il y a une vibration qui est assez présente, en effet. Il y a même du vent, là. Oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est assez surprenant, considérant qu'on est dans un conteneur. Puis, en fait, c'est une proposition qui est vue dans une noirceur presque totale, en fait. Mm-hmm. Donc, ça justifie vraiment le fait de la présenter dans un conteneur à cet endroit-là. Puis, quand on entre, là, bon, c'est toujours un peu déstabilisant là, quand on entre dans un espace sombre comme ça, mais on voit donc la l'image vidéo tout au fond, une image très, très lumineuse qui a l'air un peu de flotter dans l'espace, hein, parce qu'on entre dans cet espace-là qui est complètement noir. Puis il y a comme des volets qui viennent se superposer légèrement à l'image vidéo. Et certains de ces volets-là sont réfléchissants. Donc, oui, on a ça. Une multiplication aussi de l'image vidéo là, au-dessus puis en dessous. C'est assez particulier comme effet visuel, là, parce que ça crée un... pas kaléidoscopique, mais presque, là, mm-hmm. Avec ce trio-là d'images. Avec une inversion de l'image. Absolument. Donc, l'image qui finit par se déployer. Et puis, on s'approche. C'est une vidéo... Donc, qui a été tourné à partir d'un dispositif qui est très particulier. Oui. Mais l'œuvre s'appelle Ops. Donc, c'est un mot grec qui signifie œil. Oui, œil circulaire. Oui. En fait, ce dispositif-là, il y a une forme qui est aussi très particulière. Là. J'encourage les gens à aller voir un peu comment ça se déploie, ce dispositif-là qui a été développé par Alexis Bellavance dans le cadre de deux résidences à Avatar. C'est un dispositif, en fait, qui est créé pour flotter à la surface de l'eau, mm-hmm. Parce que c'est vraiment ces images-là de la surface du fleuve Saint-Laurent qu'on voit... en fait diffusé dans le conteneur. Puis c'est à la fois un dispositif qui est muni d'une caméra, mais aussi de micros. Puis on a donc la caméra qui est au centre d'une sorte d'étoile à trois bras qui sont, eux, placés au-dessus de trois bouées. Chacun de ces bras-là est soutenu par trois bouées, ce qui fait qu'on a comme une sorte d'araignée à trois pattes là, qui flotte à la surface de l'eau. Oui, quelque chose de la menthe religieuse ou, tu sais, avec les articulations très, très, très, très effilées. Très léger. Ouais. Oui, mm-hmm. Très, très léger. Mm-hmm. On sent que c'est vraiment créé pour être léger, pour pas glisser sous la surface de l'eau. Donc, les images puis les sons aussi qui sont captés par ce dispositif-là sont vraiment le matériau de base pour créer cette installation-là vidéo, audio, où on a l'impression qu'à la fois les vibrations, il y a des vibrations qui ont été captées, qui ont été traduites, puis qui sont rediffusées dans l'espace du conteneur. On a le son de la surface de l'eau, bien mm-hmm. sûr, mais on a aussi ces images-là qui sont prises très, très proches de la surface de l'eau, oui. au beau milieu du fleuve. Et nécessairement, ces prises de vue-là très particulières nous font prendre conscience de physiquement ce dispositif-là oui. qui est à la surface de l'eau. Ben, on se sent presque entre deux eaux, parce que, bon, si c'était à la hauteur des yeux, du regard, notre corps serait sous l'eau, mais notre tête serait en dehors de l'eau. Donc, il y a comme cette espèce de sensation de flottement un peu entre deux eaux qui peut être créée par cette œuvre-là là, d'Alexis Bellavance. Puis d'une légèreté aussi qui suit tous les remous hein, à la surface de l'eau. Donc, on a vraiment... c'est vraiment des images qui nous rappellent vraiment la présence d'un objet à la surface de l'eau. Donc, c'est assez intéressant aussi que les images nécessairement nous font prendre conscience du moyen qui a été nécessaire aussi pour pouvoir les capter puis les présenter par la suite. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, en fait, c'est de voir cette intervention-là ou cette proposition-là d'Alexis Bellavance, alors qu'il y a deux ans, si je ne me trompe pas, j'ai vu une proposition de lui aussi au lieu oui. qui convoquait aussi toute la question du regard puis de dispositifs pour observer. Donc, au lieu, si on... brièvement, là, on se retrouvait dans une sorte d'immense caméra obscura, finalement. Toute la galerie avait été repeinte en noir, puis les deux fenêtres de la galerie du lieu étaient couvertes d'une sorte de sphère en toile blanche qui était dans laquelle on soufflait de l'air pour que ça reste complètement gonflé. Puis on était devant une sorte de sténopée ou de caméra obscura, donc on avait l'image de l'extérieur de la galerie qui était très, très lumineuse, puis qui se retrouvait projetée, inversée sur ces surfaces-là. Puis à l'espace F, aussi à Matane, oui. aussi, il y a une proposition similaire à oui. ça. Donc, je trouvais ça assez intéressant de voir comment cette question-là du regard ou de dispositif de pour l'œil. Observer, puis de l'œil, mm-hmm. L'idée de la caméra photo, de dispositif assez ancien, là, finalement, mm-hmm. Qui rappelle les prémices des sténopées ou des caméras actuelles, là, qui se retrouvait finalement aussi dans ce travail-là plus récent. Là. Et parlant de caméra, on pourrait passer à l'installation qui est proposée par Vue. C'est une installation donc de photographies à l'extérieur qui sont installées sur une espèce de gros bloc de bois, je pourrais dire. Comme deux grandes simèzes ouais. en contreplaqué mm-hmm. un peu, oui. Et c'est l'artiste d'origine écossaise Johan Hallberg Campbell qui présente un projet là qui se déroule, un projet photographique qui se déroule sur plusieurs années. Donc ce photographe-là explore le Canada. Oui, en fait, c'est une série qui s'appelle Coastal. En fait, mm-hmm. on a vraiment une sélection assez étroite là, je dirais, d'une très très grande série là, d'un grand corpus d'images. Lui qui est bon originaire de l'Écosse comme tu le disais, mais qui habite au Canada depuis une dizaine d'années et qui vient quand même d'une région côtière en Écosse et qui a été très très saisi à un certain moment alors qu'il est allé visiter sa famille à Scalpay, qui est une région côtière où il a été témoin d'une réalité qui était complètement en transformation puis en bouleversement quand même avec les ressources qui se transformaient ou qui disparaissaient. C'est des lieux fragiles, ces espaces riverains comme ça qui sont avec la montée des océans, les différents bouleversements qui sont créés par les changements climatiques. On l'a vu aux Îles-de-la-Madeleine dans l'est du Canada avec les derniers bouleversements dont on a été témoin. C'est très très fragile ces lieux-là. Oui, exactement. Puis c'était très bien décrit là par l'artiste lui-même là. C'est l'endroit où les mers rencontrent la terre là. Puis c'est des lieux très fragiles, des lieux côtiers, mais qui sont souvent magnifiques, mais qui sont aussi beaucoup transformés par les éléments. Mm-hmm. Puis on voit donc dans la série Coastal à la fois des images de la Colombie-Britannique, mais on en voit aussi de Havre-Saint-Pierre au Québec. Justement, on a des photographies de ces deux régions-là particulièrement qui sont présentées à Placeville. Ce que je trouve absolument remarquable dans le traitement photographique de Johan Alberg Campbell, c'est la fixité ou l'immobilité assez surprenante des éléments qui sont photographiés, aussi bien des objets que des personnages. On dirait qu'on est devant des monuments ou devant des sculptures. Il y a comme, il y a comme un silence, puis une immobilité très particulière dans ces images. C'est pas nécessairement un aspect qui se traduit autant dans les images qu'on voit à Placeville, mais vraiment quand on regarde cette série-là au complet, il y a comme quelque chose de l'idée d'être figé dans le temps alors qu'on est finalement devant des gens ou des communautés qui sont profondément en transformation. Ouais, donc une espèce de contraste qui se fait aussi. Puis les œuvres photographiques qui sont présentées à Placeville sont aussi de très très grande échelle. Oui. Donc il y a un rapport différent aussi qui se crée entre le spectateur et l'image. Et il y a un portrait, là, je pense à un portrait de très très près. Donc, on entre dans le visage de cette personne-là, on entre dans ses yeux qui sont brillants. Donc, il y a vraiment quelque chose. Donc, cette immobilité appelle à la contemplation et à l'observation. Oui, puis à un temps d'arrêt. Qui est nécessaire vraiment pour apprécier ces images-là. Puis l'ensemble est assez l'ensemble de sujets est très très varié hein. On a autant des images de paysages, je pense à des forêts très denses. Mm-hmm. On a aussi parfois l'horizon embrumé, on a un couple aussi, on a certains personnages aussi qui apparaissent dans cet ensemble d'images-là. Et vraiment, c'est un ensemble que j'invite les gens à aller voir vraiment sur le site de l'artiste pour replacer même cette sélection d'images-là dans un ensemble plus large. Oui, parce que dans l'installation à Placeville, on a 4-5 images. Donc, c'est vraiment une sélection qui est très restreinte dans l'ensemble Coastal de l'artiste Johan Alberg Campbell. Et le troisième organisme qui présente également une œuvre extramuros, comme on dit, à Placeville dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec, c'est Engramme. Engramme qui présente l'œuvre d'un collectif composé de ses membres. Oui, le collectif LLP qui est composé de Karine Dezin, de Michel Gagnon, Marie-France Tremblay et Noël Wharton Ayer. Quatre artistes qui travaillent notamment avec le médium de la sérigraphie. Mm-hmm. Certaines travaillent aussi en peinture, créent des livres d'artistes et tout ça, mais c'est vraiment, je dirais, l'aspect, la technique de la sérigraphie qui est mise à l'honneur dans cette œuvre qui s'intitule « La bataille ». Et c'est une œuvre qu'on découvre en deux temps. D'abord, c'est une fresque. C'est une grande murale. une grande murale où on retrouve une trame de grains de maïs soufflés qui sont évidemment disproportionnés, ils sont assez très la grosseur d'une tête à peu près. Oui, là. C'est ça, exactement. Et colorés aussi, donc colorés, on les abstrait un peu là. Des tonalités de bleu, de rose, donc des couleurs très pop, très vives, très ludiques. Oui, puis on est vraiment dans un contexte où finalement on s'inspire de la rencontre entre le cinéma et les arts là, parce qu'ici c'est on fait référence vraiment à cette scène là temporaire là qui est sur la place Duville. Et je dirais, ce qui est super important avec cette œuvre-là, c'est d'aller télécharger la petite application pour pouvoir voir l'animation qui vient se superposer à cette fresque. C'est de la réalité augmentée. Exactement. Donc, on a finalement ces formes-là s'animent. On voit aussi des mains surgir. C'est comme un dessin animé, finalement, qui se déploie sous nos yeux. Là. Donc, vraiment en deux temps à découvrir. Il y a un sourire dans ton visage quand tu parles de cette pièce-là. Donc, on retombe en enfance un peu devant la bataille du collectif LLP. Donc, ces trois installations-là sont présentées actuellement à Place Duville et ça se poursuit jusqu'au 21 septembre. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à vous dépêcher à y aller avant que ça se termine. Merci beaucoup, Delphine Gasbar, de nous avoir fait faire le tour des installations. Merci à toi. Alors, c'est l'agenda de la semaine pour terminer cette émission de l'aérospatiale. D'abord, en ce moment, c'est le vernissage de la répétition de Martin Pantois qui est présentée au Théâtre Labordé. Il y a également demain plusieurs vernissages. D'abord, du côté du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, c'est le vernissage de l'exposition Orangé Bleuté d'Étienne Gabriel Rousseau. Et à Espace Parenthèse également à Sainte-Foy, c'est le vernissage de Julie Bouffard, Plongée sans faire de vagues. Et dans Saint-Roch, le cabinet des censurés dont on a parlé il y a quelques émissions avec Steven Girard, donc qui regroupe les œuvres de John Bolsingfield, Martin Bureau, Steve Giasson, Isabelle Ayer, Elena M. Franco et Christian Messier. Le vernissage et l'exposition se déroulent au 340 rue Saint-Roch, local 201. C'est présenté par Folie Culture. Et évidemment, en fin de semaine, c'est la nuit des galeries, donc on va se promener dans le vieux et découvrir plusieurs formes d'art. Il y a aussi, le 22 septembre, un atelier art et mieux-être qui est présenté par Sophie Lessard-Latrandresse, qui était une chroniqueuse ici à l'émission, et qui fait dans l'art-thérapie, donc c'est au monastère des Augustines. C'est la dernière fin de semaine pour aller voir les expositions, les installations présentées au Carré Duville, donc on en a parlé avec Delphine il y a quelques instants. Et pour donc je termine l'émission en remerciant notre invité Martin Pantois, nos chroniqueuses Myriam Dufour et Delphine Aguesbar. Merci à Jacques Gignac, le Paul Signac de la console. Merci à Simon pour la découverte musicale décapante. Et c'est le moment de parler avec Pierre Blais. CKRL. Communication. Culture. Alors, on parle de festival. Bien, ça se poursuit, le Festival de cinéma de la Ville de Québec. C'est la dernière semaine. Oui, absolument. Ça se termine quoi, samedi? Mm-hmm. Donc, ce soir, entre autres, ben c'est déjà complet, mais QSIPAN sera présenté de Myriam Véro en grande première québécoise. Le film arrive en salle le 4 octobre prochain. Myriam Véro, qui est une fille de Québec. Donc, elle, c'est sa soirée de gala. Et à la soirée de gala, là, en 5 à 7, un monsieur qui fréquente les mondanités puis qui est sur le jury, c'est le directeur général de Éléphant. Puis on va y parler. Éléphant, tu sais, c'est Québécois qui a lancé ça. On restaure les films québécois. Oui. Donc, cette année, on restaure notamment Post-mortem de Louis Bélanger et aussi Valérie. Je t'en avais parlé, le film érotique avec Daniel Ouimet. Oui. Donc, Dominique Dugas va nous parler de sa mission chez Éléphant de restaurer le patrimoine des films québécois et aussi de son rôle parce qu'il est sur le jury long métrage. Donc, est-ce que c'est une première pour lui? Est-ce qu'il y a eu des chicanes dans le jury? Nous, on aime ça savoir si ça s'est chicané. Ben, on écoute ça, Pierre. Oui, après la pause. 18h30. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Les trafiquants d'art à Limoilou sont les spécialistes dans l'encadrement sur mesure, la numérisation d'œuvres de toutes dimensions et l'impression haut de gamme sur toile, papier photo, papier d'art, bois et plus encore. Que ce soit pour l'encadrement d'un diplôme, l'agrandissement d'une photo de voyage, la mise en valeur d'une œuvre qui vous est chère ou encore pour vos projets d'exposition clé en main, les trafiquants d'art offrent un service personnalisé d'une qualité incomparable. Les trafiquants d'art, 975 A 3e Avenue, Limoilou.